les gros ont pris des piges. J'appelle ton propre building, tu piges. Quand je cook, shake, tu kiffes. J'encaisse à la mythe. On fait rentrer des lovés en période de crise. Ça cœur, ça cote, meute, ça sent la perquise. Bif, bif, bif, bif, bif. Même toi, tes bras, je pense qu'à mon bénéfice. Tu dois rester concentré sur le trafic. Tous les gens pensent à me faire du fric. Coupure, négro, maléfique. Ma chérie, cache les grammes dans son soutif. Quand on débarque, on attire ta tire. C'est triste à dire, mais la tripe attire. Assez de pochetons pour les zombies de la ville. Assez de pochetons pour les zombies de la ville. J'suis encore foncé de la veille. J'ai le touchu qui rend des billes. Il fait des bulles, il met des balles. Et les somnambules le réclament en boule. Et les somnambules le réclament en boule. Et les somnambules le réclament en boule. J'encaisse, j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. J'encaisse, j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. J'encaisse, j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. J'encaisse, j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. Je le fais qu'encaisser, encaisser, encaisser. En espèce, en chéquier, en CB. Je ne fais qu'encaisser, en espèce, en CB, en chéquier, encaisser, encaisser, encaisser. Elle est en train de pépo, une heure après je mets le plein d'essence. On soulève des culs, tu ramasses des culs de pète, c'est inquiétant. Elle est en train de pépo, une heure après je mets le plein d'essence. On soulève des culs, tu ramasses des culs de pète, c'est inquiétant. Je suis dans la zine, tu vois ce que je veux dire. Il a grippé son brolic dès qu'il se réveille. Je rêve d'empiler ce fric sur des kilomètres. On va pull up, t'auras raté pour ta recette. Sa mère les impôts de l'oseille des lingots. J'ai cramé 4 bleus dans le berlingo. Et les petits jeunes veulent le terrain tôt. J'rappe des foirailles comme un Toronto. Tu veux être une grosse tête dans le réseau. Tu sors ton 44, tu parles pas trop. Sa vie crache ta charbonne, c'est trop tard. Rentre dans la barre, pas la toiture. Ta femme va venir sur le trottoir. Si tu veux tester, faut que tu sois sûr. Si tu veux tester, faut que tu sois sûr. Tu me rates dans l'après-midi, je reviens ce soir. J'encaisse, j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. Yes.